Le comité préparatoire tchèque pour les célébrations de la Journée du Soleil vient d'être constitué à Prague. Il a fixé l'espace du 7 mars au 20 avril comme période de célébration pour organiser des cérémonies politico-culturelles comme rassemblement en souvenir de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits du président Kim Il-sung, séminaires et séances de films.